Chapitre 4. Jeanne II, reine de Jérusalem, de Sicile et de Naples. On entend souvent des gens graves, mais peu sérieux, vous parler des leçons de l'histoire. Tout ce que nous apprenons dans l'histoire, c'est que ces leçons prétendues ne servent à rien. Ni les peuples, ni les souverains n'en ont jamais profité. Et quand nos récits n'auraient servi qu'à prouver cela, ils auraient déjà servi à quelque chose. Après les scandales de Jeanne Ière et après la fin tragique de cette reine, devait-on s'attendre au règne de Jeanne II? Ces deux reines auraient pu profiter des exemples du vertueux roi Robert, mais la voix de leur passion parlait plus haut. Que les peuples apprennent donc que les rois et les reines ne sont pas exempts des passions communes. C'est une leçon de l'histoire, cela. Plus loin, au XIXe siècle, nous retrouverons sur le trône de Naples une Caroline qui nous rappellera parfaitement les deux Jeannes du XVe siècle. Charles de Duras, l'étrangleur de Mureaux, avait gardé son titre de roi et continué à le disputer au prince d'Anjou. L'heureux pays de Naples avait, par conséquent, subi les horreurs d'une guerre qui pourrait s'appeler la guerre de succession. Pillés et massacrés tour à tour par les deux parties, les Napolitains attendaient, avec une égale indifférence pour Duras et pour d'Anjou, que l'un des deux eût exterminé l'autre. Enfin, le ciel parut combler leurs vœux, Charles III mourut, et d'Anjou, épuisé, renonçait à la lutte. Marguerite de Duras prenait la régence jusqu'à la majorité de son fils, Ladislas. C'était, semblerait-il, une occasion propice pour voir fleurir l'industrie, les arts, le commerce. Ah bien oui, tout ce qui fleurit sous l'œil maternel mais somnolent de la vieille régente, ce furent les vices du jeune Ladislas et de sa sœur Jeanne. Le premier avait des maîtresses, la seconde prit des amants et les produisit au grand jour. Le 6 août 1414, Ladislas étant mort de ses excès, Jeanne lui succéda. Le premier acte important de son gouvernement fut d'élever à la dignité de grand sénéchal du royaume son favori en titre, il signor Pandolfello Alopo, un des plus beaux garçons dont les pieds nus aient couru sur la Chiaggia. À défaut de fortune et de nom illustre, il avait la beauté. Un teint d'une blancheur éclatante, des yeux d'un bleu sombre, des cheveux d'un noir d'ébène. Ce ne sont pas là, vous semblera-t-il, les mérites d'un homme d'État, mais Jeanne II en jugeait autrement. D'ailleurs, pour laisser quelques loisirs à ses travaux politiques, Jeanne prenait en même temps d'autres amants qu'elle comblait également de dotation et de dignité. Le grand connétable était blond ardent. Ancien marchand de fruits de mer, il avait montré pour l'équitation des dispositions étonnantes. Le ministre des Relations extérieures était charmant. Jeanne eût pu lui faire prendre les habits de l'une de ses filles d'honneur. C'était lui qui d'habitude présidait à sa coiffure. Elle n'achetait pas une robe sans consulter ce jeune homme d'État. Les robes sont faites pour les relations extérieures. Sa mère l'avait nommée Angelina et Jeanne l'avait fait marquis d'Acerenza. Il n'avait pas 20 ans. Le grand chancelier représentait davantage, bien qu'il fût également très jeune. Il était d'une force extraordinaire. Ses exploits galants dans le sac des villes lui avaient fait une réputation. La reine avait voulu le connaître et avait rendu justice à son mérite, en lui donnant le seul emploi qui fut vacant alors, celui de grand chancelier. On le nommait le comte d'Avellino. Cependant, toutes ses faveurs, pleuvant sur des jeunes hommes qui appartenaient aux dernières classes de la société, irritaient profondément la noblesse du royaume. Une députation de gentilshommes vint remontrer à la reine qu'il était temps de s'occuper sérieusement des affaires politiques et de se choisir un mari. L'attitude menaçante des grands seigneurs intimida la jeune reine. Elle réunit ses favoris en conseil des ministres, comme nous dirions aujourd'hui, leur fit part des vœux exprimés par la noblesse et de la nécessité où elle était de leur donner satisfaction. Naturellement, la résolution de Jeanne ne fut pas acceptée sans opposition. L'un se sentait menacé dans ses intérêts. L'autre, tel que Alopo, qui avait pour la reine une sincère affection, se voyait éloigné de la cour, séparé de la femme aimée. Cependant, les raisons données par la reine étant irréfutables, chacun s'y rendit. « Il ne nous reste plus, dit Alopo, qu'à remercier la reine de ses bontés, à déposer à ses pieds les titres dont elle nous a honorés et à nous retirer dans les provinces. « Vous vous alarmez outre mesure, répondit Jeanne. Vos services, Seigneur, me sont encore nécessaires. N'ai-je pas besoin de vos conseils pour choisir un époux? Et avant que ce prince soit à Naples, dois-je me passer de sénéchal, de chambellan de connétables, plusieurs alliances m'ont été proposées. C'est le sort cruel des reines de ne pouvoir choisir leur époux selon leur cœur, mais selon la raison d'État, et de ne consulter que la renommée. Nous examinerons ensemble quel est le prince le plus digne d'être associé à la couronne. » Cette discussion, toute nouvelle pour des favoris, traîna en longueur. Néanmoins, pressée par ses grands vassaux, Jeanne dut se décider et opta pour un gentilhomme français, le comte de la Marche. Le 10 août 1415, le comte Jacques de la Marche fit à Naples son entrée solennelle. Une galère ornée de draps d'or et de pourpre était allée à sa rencontre. Un cheval syrien, tenu par un esclave mort, l'attendait sur le pont, au milieu des valets des grands seigneurs jaloux de lui faire cortège. Lorsqu'il parut et descendit de la galère royale, la foule l'acclama ainsi que de coutume. Mais il est juste de dire qu'il était de ces hommes qui, par leur taille élevée et robuste, leur mine fière et martiale, se conquièrent de prime abord les sympathies de la foule. Il monta à cheval et se dirigea vers le palais. À ses côtés se tenait Alopo Pandolfello, grand sénéchal, le bel Angelino, marquis d'Acegrenza, le grand chancelier, comte d'Avellino, le premier secrétaire de la reine, l'abbé Pandolfo d'Arezzo, et devant ce groupe imposant marchait le capitaine des gardes royales. À la vue de ce cortège, l'enthousiasme de la foule se changea en une gaieté folle. En dépit des soldats qui formaient la haie sur le passage du roi, les rires éclatèrent et les lazzi les plus vifs atteignirent au passage la royale cavalcade. Hélas, Jeanne n'avait pas eu le courage de se séparer de ses favoris. Le roi, en jetant les yeux sur cette foule irrévérencieuse, fronça le sourcil. Il était peu familiarisé avec la langue italienne, ou plutôt avec le dialecte napolitain. Il ne comprenait rien à cette gaieté railleuse. Il s'étonnait et s'irritait secrètement de voir pour la première fois tant de gens éclater de rire sur son passage. Depuis qu'il était entré dans le golfe de Naples, tout avait été pour lui sujet de surprise et de mécontentement. Dans la galère envoyée par Jeanne, il n'avait pas vu une seule de ses barbes blanches, un seul de ses vaillants soldats ou de ses conseillers vénérables qui sont l'honneur d'une cour, mais en revanche une députation d'Apollon et d'Adonis dont la jeunesse et la beauté étaient rehaussées par les plus gracieux et les plus splendides costumes. L'abbé d'Arezzo lui avait adressé un compliment dans une langue douce comme l'azur du golfe et d'une voix de jeune fille ou de fauvette. Il avait craint de briser la main blanche du marquis d'Angelino d'Acerenza en la serrant dans la sienne, et, en embrassant le connétable, il l'avait égratigné de sa rude moustache. Il en était confus. Les vieux chevaliers qui avaient consenti à le suivre et qui suaient sous leur coque de fer pour lui faire honneur formaient avec la cour napolitaine le plus piquant contraste. Ils souriaient ou bougonnaient dans leur barbe hirsute, n'en pouvant croire leurs yeux. Et sans doute se demandaient-ils si les hommes sont si beaux dans ce pays, que doivent être les femmes? Les cris, les vivats, les sauts, les battements de mains des popolani, foule tumultueuse, bruyante et bariolée, des couleurs les plus criardes, les avaient ahuris un instant. Mais ensuite, comme le prince Jacques, leur maître, ils s'étaient secrètement offensés des rires que provoquait le cortège sur son parcours. Enfin, ils arrivèrent au palais. La cour d'honneur avait été disposée pour la réception du roi, décorée avec art, éblouissant d'or et d'étoffes précieuses, et embaumée de fleurs. Sur une estrade étaient placés deux trônes. La reine se leva et fit asseoir le comte de la Marche à ses côtés. Nous n'entrerons pas dans la description des fêtes qui suivirent. Nous dirons seulement qu'à une certaine heure, elles changèrent de caractère. Ce fut l'heure où les grands vassaux de la couronne, les seigneurs mécontents dont nous avons parlé, vinrent y prendre part. À la vue de cette noblesse sérieuse, le front de Jacques, jusque-là soucieux, se rasséréna. « Voilà donc des hommes, » se dit-il. Il se les fit présenter, et l'un d'eux, connaissant la langue française, il le pria de lui servir d'interprète et de cicérone. C'était le baron de San Martino, petite ville de la province de Naples. Pendant le banquet, il avait remarqué que les seigneurs, nouvellement arrivés, observaient à l'égard des grands dignitaires de la couronne une réserve hautaine, et que les premiers et les seconds ne semblaient pas en bonne intelligence. Il pensa pouvoir s'en ouvrir au baron de San Martino. « En effet, sire, répondit celui-ci, la vieille noblesse du royaume a vu avec peine ces jeunes gens élevés si rapidement aux plus hautes dignités. Mes seigneurs Alopo Pandolfello, Angelino d'Acerenza, Foscolo d'Avellino, Pandolfo, ne doivent rien à une illustre origine, ni à des actions d'éclat. Ce sont des chevaliers de fraîche date, et leurs parents vendraient encore l'un des poissons sur le port, l'autre des pastèques, sans les bontés de la reine. Le front du roi se rembrunit, et, comme le baron n'osait en dire davantage, Jacques l'encouragea. « Parlez, lui dit-il, j'ai besoin que l'on m'éclaire. Excusez-moi, sire, mais en vous entretenant davantage de ces jeunes seigneurs, je craindrais de m'écarter du respect que j'ai pour la reine. Vos réticences ne font qu'exciter ma curiosité. Eh bien, expliquez-moi au moins l'étrange attitude du peuple à mon entrée. Au vivat de la foule ont succédé des rires moqueurs. J'en fus blessé. Parlez sincèrement, sans crainte de me dire une vérité désagréable. Je sais qu'en tout pays, les gens du peuple rient volontiers des étrangers dont ils voient pour la première fois les costumes. Qu'avions-nous donc, mes chevaliers et moi, de si ridicule ? Rien, sire. Alors de quoi et de qui se moquait cette foule ? San Martino baissa la tête et garda le silence. « Ne le savez-vous pas ? Ce n'était point des jeunes seigneurs qui me faisaient cortège ?»« Peut-être, sire. »« Ah ! » fit Jacques, avec humeur. « On me l'avait bien dit que les méridionaux n'ont point notre rude franchise. Mais je saurai la raison de ces railleries insultantes. La reine ne saurait refuser de me la dire. »« La reine ! » se récria le Napolitain. « Tout le monde à Naples pourrait vous expliquer cela, excepté la reine. » « Eh bien, je ne vous prie plus de m'éclairer à ce sujet, mais je vous l'ordonne. À qui s'adressaient les railleries de la foule ?»« Vous m'ordonnez de parler, sire, j'obéirai. Ces railleries s'adressaient à l'époux de la reine, qui s'avançait vers elle, entourée de ses favoris en titre. Telle est la vérité. » La pourpre de la honte et de la colère envahit soudain le front de Jacques, mais il eut la force de se dominer. Il se mit à boire et dissimula la fureur qui s'était emparée de lui. « Ah ! se disait-il, j'ai été ridicule, je serai terrible. On a ri, demain on frémira d'épouvante. Il ne faut pas que 24 heures s'écoulent entre l'offense et son châtiment. » Le banquet terminé, Jacques se tourna vers son nouvel ami, le seigneur de San Martino. « L'insulte qui m'a été faite, lui dit-il, demande une prompte réparation. Je ne veux pas, ces fêtes terminées, me présenter chez la reine encore marquée de ridicule. » « Vous ne m'avez point parlé à la légère. Vous ne vous êtes pas fait l'écho de bruits sans fondement en me disant que ces jeunes gens ont été les favoris de la reine. »« Sire, vous m'avez demandé pourquoi le peuple de Naples riait sur votre passage. Et je vous ai répondu la vérité. Le peuple riait parce qu'il n'a pu attribuer la soudaine élévation et la prodigieuse faveur de ces jeunes gens qu'à leur beauté. Il suffit. À tort ou à raison, ces jeunes gens sont des causes de scandale. Veuillez donc me suivre dans mon appartement. » « Là, j'aurai des ordres à vous donner. » Sur ces mots, et avant que personne ne fût levé de table, attendant que la reine en eût donné le signal, Jacques de la Marche se leva et, à la stupéfaction de tous, sortit de la salle du festin. On s'attendait à ce qu'il dît un mot. Il s'inclina silencieusement devant la reine et s'éloigna. Cependant, on achevait à la hâte, dans les jardins du palais, les préparatifs d'une fête de nuit. Des échafauds étaient dressés dans les massifs et chargés de chanteurs et d'instrumentistes. Des guirlandes de feu bordaient les allées et formaient d'éblouissantes auréoles au-dessus de poteaux élevés, décorés de panoplies et de devises en l'honneur des nouveaux époux. L'heure de cette dernière fête était sonnée. L'on n'attendait plus que le roi, et Jeanne allait s'enquérir des motifs de son absence prolongée lorsqu'un page vint la prévenir que Jacques, retiré dans son appartement, désirait avoir un instant d'entretien avec elle. Jeanne se rendit à son désir. Dans le vestibule, elle aperçut le seigneur de San Martino. « Le roi ? » demanda-t-elle. « Le roi désire être seul pour parler à la reine, » répondit celui-ci en indiquant la chambre où Jacques s'était retiré. L'appartement qu'elle traversait était désert, à peine éclairé. Le contraste subi de ce silence et de cette obscurité avec la salle qu'elle quittait, la conduite étrange de Jacques de la Marche, jetèrent dans le cœur de Jeanne le pressentiment de quelque événement funeste. Jacques, seul, assis devant une petite table où brûlait un long flambeau et où reposait son épée, l'attendait comme un maître et comme un juge. Mais, à sa vue, il se leva, fut à elle lentement et lui dit « Madame, en daignant me choisir pour époux, vous m'avez associé à votre gloire et pris pour gardien de votre honneur. Vous avez bien placé votre confiance et je veux vous le prouver sur l'heure. » Des serviteurs, indignes de vos bontés, ont répandu sur vous, à la cour et dans le peuple de Naples, des soupçons outrageants. tirés par vous de l'obscurité, comblés de biens et de dignités, ils ont lâchement donné à croire qu'ils tenaient de vous des faveurs réservées à votre époux. « Ô Dieu, qui peut avoir dit de pareils mensonges ? » s'écria Jeanne. La voix du peuple, madame, dès mon arrivée, les railleries insultantes de la foule, l'attitude des grands vassaux, et j'ai eu à rougir de honte à mon entrée dans votre capitale, et la présence des personnages dont je vous parle au fait de notre mariage est un scandale intolérable. En vérité, je suis au comble de la surprise. Sans doute. Aussi n'ai-je contre vous aucun ressentiment. Vous ignoriez, en les envoyant à ma rencontre pour me faire honneur, que le grand sénéchal, le connétable, le chancelier et votre secrétaire se plaisaient à être considérés à Naples comme vos amants. Car, en m'entourant de ces personnages, c'est vous qui m'auriez fait injure, et ce n'est pas d'eux que j'aurais attiré vengeance. Quoi ? Déjà des paroles dures et des reproches ? N'hésitez-vous pas à troubler ainsi la joie que me cause votre arrivée ? Madame, reprit Jacques, modérant la rudesse de son accent, si vous voulez que ce cœur qui vous aime soit tout à la joie en ce jour, accordez-lui la satisfaction qu'il vous demande, la punition des coupables. Mais qui prouve que ces seigneurs sont coupables ? Ils vous ont laissé diffamer, et vous vous demandez s'ils sont coupables. Seigneur, il suffit, je les éloignerai de la cour. Ce serait les dérober au châtiment qu'ils méritent. Mais que voulez-vous donc ? S'écria Jeanne, frémissante de colère et de terreur. Je veux que ceux qui ont fait rire de l'époux de la reine deviennent un sujet de pitié et d'épouvante, et cela dès ce soir. Ce soir ? Fit Jeanne, en se reculant. « Vous me demandez de verser le sang au milieu de cette fête ? Une vengeance en ce jour de pardon ? Non, cela ne sera pas. »« Alors, madame, je n'implore plus de vous qu'une grâce. »« Laquelle, sire ? De m'exempter de prendre part plus longtemps à vos fêtes. »« Quoi ? Vous songeriez ? » Le comte de la Marche, en renonçant à la gloire de vous servir, aura tout perdu, fort l'honneur. » Jeanne se vit au moment d'un scandale épouvantable. Jacques, en se retirant du palais, allait sans doute proclamer, en présence de la noblesse déjà irritée, les raisons de son départ. Ses favoris et leurs partisans mettraient l'épée à la main. Une querelle, une lutte violente, allait peut-être ensanglanter le palais, et qui pouvait prévoir le lendemain de cette lutte funeste ? D'autre part, à la pensée de livrer à la haine de cet homme ceux qu'elle avait aimés, et surtout Pandolfello, qu'elle aimait encore. À cette pensée, disons-nous, elle se sentait pénétrée d'horreur. Mais quelle parole trouver pour attendrir ce tigre ou tromper sa fureur ? À peine savait-elle comprendre cette langue encore rude et grossière du comte de la Marche, et celui-ci ignorait l'italien. Elle n'avait que ses larmes. Ils étaient sans témoins. Elle se jeta à ses pieds et tourna vers lui ses grands yeux humides et brûlants. « Grâce ! » dit-elle. Il lui fallut bien la relever, soutenir dans ses bras sa taille flexible et sentir sous son corsage palpitant les battements de son cœur. Alors, tout éperdue, elle se répandit en plaintes, en supplications, en ces chuchotements inintelligibles et caressants qui sont comme la musique d'une passion sans parole. Et ses lèvres, et ses yeux, la pâleur de son teint, ses larmes, en disaient plus encore. Une rose trempée de pluie et battue du vent. Je ne sais quelle grâce, désolée. Le brave chevalier n'était pas de marbre. Il se sentit monter à la température du Vésuve. « Ah, Jeanne, Jeanne » gronda-t-il, entre ses dents serrées. « J'en jure Dieu, vous serez ma reine. Vous êtes belle et je vous aime, mais je prendrai leur vie, comme vous avez pris mon âme. Je les hais, je vous aime. » Alors Jeanne, se dégageant soudain, « Jamais, Seigneur, jamais, ou mon amour, ou leur mort. « Choisissez !» Et, une fois encore, elle se redressa dans son rôle de reine. La passion alors éclaira le comte Jacques. Les doutes dont il s'était complu à voiler sa situation se dissipèrent comme une fumée. La résistance de Jeanne s'expliqua. « Vous les aimez donc bien, ces hommes » dit-il. « Ces hommes, ces femmelettes, ces poupées, ces misérables qui font de vous la fable de Naples, la risée du monde. » Je le vois maintenant, vous les aimez. Alors pourquoi m'avoir offert la moitié de votre couronne ? Avez-vous pris le comte de la Marche pour votre jouet ? Une femme ne doit pas jouer avec une épée. Vous ne me connaissiez pas. Vous apprendrez à me connaître. À votre entourage, je vois que vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Vous le saurez bientôt. ou j'aurai quitté Naples avant demain, où justice sera faite de l'injure que j'ai reçue. » Jeanne, vaincue, se dirigea vers la porte. « Souffrez que je me retire. »« Non pas, » répliqua Jacques. « Vous attendrez ici l'heure de la fête qui se prépare. Demeurez un instant, je vais donner des ordres. » Usant ainsi de violence, il sortit un instant dans le vestibule et y donna ses ordres au seigneur de San Martino. Jeanne s'aperçut alors que sa bague, qui lui servait à sceller ses volontés, lui avait été dérobée. Elle voulut s'élancer dehors, mais la peur la retint. À la porte était son mari. Plus loin, deux parties qui n'attendaient qu'un signal pour s'entr'égorger. Près d'une heure s'écoula pour elle dans cette anxiété. Aucun bruit, aucun tumulte ne se fit, et cependant Jacques de la Marche devait agir. Son absence prolongée devait alarmer ses amis. Que se passait-il ? Elle se décida à franchir le seuil de la porte, et au même instant elle vit le roi, suivi de nombreux seigneurs, s'avancer à sa rencontre. « Madame, lui dit Jacques, la fête que vous avez ordonnée commence, et nous n'attendons plus que vous. » Il lui tendit la main, et tous deux se dirigèrent vers le jardin, comme si rien de nouveau ne s'était passé. L'illumination était splendide, et la sérénité, ou la joie, sur tous les visages. Cependant, Jeanne se sentait toujours prisonnière du maître qu'elle s'était donné, car ses regards cherchaient en vain ses favoris, et autour de sa personne, elle ne voyait que des chevaliers de Jacques, ou ceux de ses grands vassaux qu'elle avait toujours considérés comme ses ennemis. Elle s'avançait, silencieuse, entre les girandoles de lumières et de fleurs, quand tout à coup, arrivée au pied de l'un de ces poteaux destinés à porter des panoplies, un spectacle horrible s'offrit à ses yeux. À deux poteaux destinés à porter des panoplies étaient liés et étranglés deux des favoris de la reine, le chancelier et le connétable. Dire ce que Jeanne éprouva à la vue de ce spectacle hideux serait difficile. Elle s'arrêta défaillante. « J'attends les autres, » lui dit Jacques. « Il m'en manque deux pour que ma vengeance soit complète. » Ces mots rendirent quelque courage à la reine. Celui pour lequel elle tremblait le plus était vivant. Pandolfello pouvait, saurait agir peut-être. Mais la vengeance de Jacques avait un caractère trop horrible pour ne point révolter les sentiments d'une partie de la cour. À mesure que dames et seigneurs napolitains s'avançaient vers ces gibets auréolés de flammes, il s'élevait des murmures et même des cris de réprobation. Les chevaliers de Jacques furent bientôt isolés dans la funèbre allée où s'était engagé leur maître. Ils le suivaient, le sourire aux lèvres, l'œil aux aguets et la main sur leur épée. Jeanne n'avait plus qu'une épée. Que fait le grand sénéchal? Est-il resté à Naples? Comment communiquer avec lui? Elle se sentait prisonnière et elle l'était en réalité. « Vous ne m'infligerez pas une longue promenade, » dit-elle. « Rentrons au palais. » « La volonté de la reine est pour moi une loi sacrée, » répondit Jacques. « Ceux qui la diffamaient étaient seuls ses ennemis. » Ils se dirigèrent vers le palais et purent remarquer qu'un grand nombre de leurs hôtes avaient avant eux songé à la retraite. On s'attendait à de nouveaux événements. Quelques-uns songeaient à combattre et la plupart à fuir le palais et la capitale. Bientôt, les nouvelles les plus inquiétantes furent apportées à Jacques. Alopo Pandolfello avait échappé à ses hommes. Et au lieu de gagner la campagne, ainsi qu'on eût pu l'attendre d'un jeune efféminé, il répandait dans le peuple la nouvelle des massacres qui inauguraient le règne du seigneur étranger. La reine, ajoutait-il, victime de cette trahison, est prisonnière de Jacques de la Marche. Ses jours même sont menacés. Bien que le peuple napolitain, comme on a pu le voir précédemment, ne poussât point son attachement à ses souverains jusqu'au fanatisme, il s'émut cependant de l'audace et de la violence de l'étranger. En quelques heures, l'émotion de ce peuple, qui vit dans la rue, se changea en émeute. Les flots d'une foule irritée et menaçante vinrent déferler contre les grilles et les portes du palais. À la prière de Jacques, quelques seigneurs du parti des mécontents, tels que San Martino, essayèrent de haranguer la foule. Harangue perdue. Les gardes de la reine avaient de plus une attitude douteuse et n'attendaient que les premières violences de la foule pour se joindre à celle-ci. Pandolfello, suivi de quelques lances, apparut. Ce fut le signal de l'assaut. Il ne restait à Jacques que ses chevaliers. Trop peu pour résister, à peine assez pour s'ouvrir un passage et gagner le port. Les gardes acclamèrent le grand sénéchal et le désarroi des amis du comte de la Marche devint général. Le peuple envahit le palais. « Madame, dit Jacques, j'attends vos ordres, nous laisserez-vous égorger. » Je ne crains rien de mon peuple, répondit Jeanne. Mais mon sort et le vôtre sont étroitement liés. Que voulez-vous dire ? Que vous mourrez, si je meurs. Quoi ? Tant d'audace ? Vous osez me menacer encore, même à cette heure ? Venez, suivez-moi, dit-il. Que prétendez-vous ? Gagnez le port et quittez votre royaume. Échappez à cette foule en fureur et à ceux de vos amants qui m'avaient échappé. Allez, vous avez congé. Mais vous me suivrez. Et pourquoi, je vous prie ? En m'accompagnant, vous me protégerez. Jamais. Oubliez-vous que tant que vous êtes à la portée de mon épée, vous êtes en mon pouvoir ? Jeanne comprit. Venez, vous dis-je. Et il l'entraîna. Il la força à monter à cheval, il se plaça près d'elle et, sous l'escorte imposante de ses chevaliers, il s'avança dans la cour qui précédait le palais, déjà envahi par la foule. Sur ses ordres, un héros d'armes annonça au peuple, au nom de la reine, que Jacques de la Marche se rendait à bord d'une galère et partait la nuit même pour la France. Le peuple applaudit et ouvrit passage au cortège royal. Et la même insolente gaieté qui avait accueilli le fiancé de Jeanne II à son arrivée accueillit l'époux d'un jour à son départ. Jacques de la Marche quitta le royaume de Naples pour n'y plus revenir. Sa veuve, consolable, avait quelques mois plus tard pour amant en titre Gianni Caracquilli. Nous nous arrêterons là, bien que Caracquilli ait eu des rivaux et des successeurs, nous voulons varier nos tableaux, comme les reines, leur plaisir. Nous n'avons en pareille matière qu'un embarras. Celui du choix. Allons-nous raconter les amours de ces princesses qui avaient fait de leur passion un guet-apens, les drames de la tour de Nesle ? Mais n'est-ce pas nous attarder longtemps dans le Moyen-Âge ? Pour la même raison, nous laissons sur les rayons silencieux de la bibliothèque les aventures de la papesse Jeanne et d'Isabeau de Bavière. Nous remettrons même, à un chapitre plus éloigné, les galanteries de la reine de Navarre et celles de Marie Stuart, qui ressemblent par tant de points aux tragiques et galantes aventures de Jeanne Ière. Pour fuir plus sûrement la monotonie, nous partirons de Naples pour Saint-Pétersbourg, du pays où mûrit l'orange aux glaces de la Neva, et nous franchirons les siècles qui nous séparent du règne de Catherine II, impératrice de Russie.